J'ai grandi vite, bordel, le temps paraissait court. Loin d'être un fils modèle qui préparait ses cours. 14 ans, premier son et grand pas de problème. Déception pour mon père, décrochage scolaire. Pas de diplôme, tout ce que j'ai c'est quelques textes à peine. Un demi-joie, une instru, un verre de red label. À l'horizon, pas grand chose, ma fusée de détresse. De l'amnésia, dans un cône où elle a fumé me déstresse. Le passé m'emprisonne dans un cercle sombre. J'écris, je m'isole, mais je dirais que j'emmerde le monde. Peu de projets en vérité, moi je ne calcule pas. Au jour le jour, nul ne sait ce qu'on sera plus tard. Je représente dans mon monde, toi t'es tout comme ça. La vie me saoule comme le fond de la taille bout de vodka. Tenté par la haine, mais calmé par le bien. Quand t'as coupé les ponts, c'est dur de réparer les liens. Gamin s'y pense, ouais, en soins pimentés. Y'avait deux routes, j'ai choisi la moins fréquentée. Un Walkman et une cassette qui claque. Quelques grammes pour l'école dans ma mallette pack. Arrive là, jouons sur nos rêves. Peut-être que c'est foiré mon cursus scolaire. J'ai appris à mordre sur ma chic. Tueur en série, j'ai que des prods sur ma liste, ouais. Premier du Zef, nu cassant mes rêves. J'suis nu devant ma feuille comme Adam et Ève. 84 fait des zigzags sur grosse prod. Le temps tourne comme le tic-tac d'une horloge. Nos erreurs font de grosses incidences. C'est le destin, moi j'crois pas aux coïncidences. Dans l'océan, on est des tout petits poissons. C'est pas le temps qui passe, mais c'est nous qui passons. Un mix de feat avant l'effet boule de neige. Un coup de rêve, on s'endort quand le jour se lève. On a quelques projets, entre autres artistes de rue. Neige d'un mur, c'est chez Cossi, nous qu'on pratique le truc. Un mix de feat avant l'effet boule de neige. Un coup de rêve, on s'endort quand le jour se lève. On a quelques projets, entre autres artistes de rue. Neige d'un mur, c'est chez Cossi, nous qu'on pratique le truc. Ok, depuis que je protège, je lâche des sales face et j'en plaide. Je me suis fait seul, moi j'ai grandi sans l'aide de Pascal, le grand frère, ok. 15 ans à peine, je m'exprimais comme un gars de 30 berges. Je prenais une bâche à chaque fois que j'avais besoin de prendre l'air. Je voyageais, les écouteurs dans le couloir. Moi je voulais crier bien haut ce que les jeunes pensaient tout bas. Je donnais de l'amour à mes bâches, comme une mère à un petit enfant. À cette époque ça n'allait pas, je me sentais comme un bic sans encre. C'était un bec, t'achetais un petit, t'avais le prix d'un normal. La mer quand il pleuvait, que j'avais pas pris d'un oracle. Je prenais déjà des risques pour de la drogue à tas de billets. Trop dur de voir plus loin quand tu te rappelles même pas d'hier. Donc on m'a dit rapper sans éparpiller vos restes. Je voulais croire, je voulais se voir réaliser nos rêves. Mais j'avais déjà compris classique, ça paierait jamais. Je me disais en courant, et puis après ce stage j'arrête. Je me souviens de l'époque où voulait tout style au quartier. De mes premiers pas hip-hop où je breakais à l'arraché. En gros on fumait de la merde avec une grosse couche de papier. Je voulais pas décevoir ma mère, sauf quand les phases me rattrapaient. Casse-piche, peu d'aspiche, je posais des graves seul à cette époque. Je pensais que dans le futur j'aurais toujours la pute certaine de mes proches. J'avais trop de trucs à dire, et puis trop de trucs à vivre. Mais la vodka m'attire comme le vol à la tire. À cette époque, jamais le froid m'aurait empêché de squatter. Je voulais rajouter des heures pour entrer un peu plus taré. Mais trop de routes barrées et d'autres sont juste cramées. Mes doutes, mes malaises finiront en maison d'arrêt. Parce que quand t'es le jeu, tu penses rarement au lendemain. Drôle de jeu sur blocage de porte que tu défoncerais bien. Adolescent, je voulais à tout prix me faire de la maille. J'avais pas compris que les soucis restent et que la vie se fait la malle. Un mix de feat avant l'effet boule de neige. Un coup de rêve, on s'endort quand le jour se lève. On a quelques projets, entre autres artistes de rue. Neige d'un mur, c'est chez Cossi, nous qu'on pratique le truc. Un mix de feat avant l'effet boule de neige. Un coup de rêve, on s'endort quand le jour se lève. On a quelques projets, entre autres artistes de rue. Neige d'un mur, c'est chez Cossi, nous qu'on pratique le truc. Ok, un mix de feat avant l'effet boule de neige. La mixtape Cossi de 0-10.